Désiré Boukeneza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Plus de 6000 cas d'abandon scolaire ont été enregistrés en province de Kirundo au cours du premier trimestre de l'année scolaire en cours. C'est ce qui a été annoncé ce samedi par la direction provinciale en charge de l'éducation dans cette province. Au cours de cette édition, nous reviendrons sur le communiqué final du sommet EAC-SADC tenu les 7 et 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie qui a notamment ordonné un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC. Et puis nous parlerons de l'élevage des lapins en province Bubanza. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Plus de 6000 élèves ont déjà abandonné l'école en province Kirundo au premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Annonce faite ce samedi par la directrice provinciale de l'éducation lors des cérémonies de remise de 6 salles de classe équipées en blocs administratifs et autres matériels d'éclairage par Welfanga Hilf à l'école fondamentale de Kanawugiri en commune Nega, c'est en province de Kirundo. Le ministre de l'Éducation appelle les élèves à continuer d'étudier malgré les difficultés qui traversent leur famille. Agnès Naumagadze. La directrice provinciale de l'enseignement à Kirundo a présenté divers défis auxquels est confronté le secteur éducatif dans la province Kirundo, lesquels figurent aussi le problème lié au taux élevé d'abandon scolaire où plus de 6000 élèves de cette province ont abandonné l'école au cours de cette année scolaire 2024-2025. Leocadi Mukaporona a aussi ajouté que cette année scolaire ils ont débuté avec un effectif de 197 000 élèves dans la province Kirundo, ce qui a chuté jusqu'à 190 000 élèves. À côté de ce problème d'abandon scolaire, elle a aussi ajouté le problème lié à l'insuffisance d'infrastructures dans la province Kirundo, où les élèves étudient dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Elle a également salué les initiatives de l'organisation Waltunger Hilf qui a contribué à remettre 6 classes équipées et le matériel d'éclairage sans oublier le système de collecte d'eau pluviale à l'école fondamentale de Kanawugiri à la commune Nega qui connaissait des problèmes d'infrastructure où les élèves étudiaient dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Le ministre de l'Éducation nationale qui a rehaussé de sa présence dans ces activités indique que cet effectif d'abandon scolaire est très élevé et appelle les élèves à continuer à étudier même si leurs familles connaissent des difficultés. À l'administration, ils les ont interpellés à contribuer pour que ces élèves restent à l'école car ces élèves qui abandonnent l'école ne peuvent rien contribuer à la vision du pays. Le ministre de l'Éducation a aussi remercié l'organisation Waltunger Hilf pour sa contribution dans l'amélioration des conditions d'apprentissage dans la province Kirundo. Depuis Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Je vous l'avais dit dans les titres, le sommet des dirigeants des pays de la communauté est-africaine de l'Afrique australe et orientale, un sommet EAC-SADC tenu les 7 et 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie, ont notamment convergé sur un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la République démocratique du Congo, retrait des groupes armés dont le M23 et une facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire. Le communiqué final de ce sommet trace l'issue du sommet sur trois plans sur lesquels revient Mireille Kanyang. Ce communiqué final, au bout des deux jours, met en évidence des mesures immédiates à court terme et à long terme. Pour l'immédiat, c'est notamment la cessation des hostilités et un cessez-le-feu immédiat et sans condition à l'est de la République démocratique du Congo, une action confiée au ministre de la Défense des pays de l'EAC et SADC. Il y a également la réouverture de l'aéroport de Goma et des périmètres environnants, le rapatriement immédiat des corps et des blessés, un dialogue inclusif incluant aussi le mouvement rebelle M23. Dans l'immédiat, les dirigeants de ces deux communautés se sont accordés sur le respect de l'intégrité du territoire congolais et des pays voisins. À court terme, ce sommet qui a vu la participation du Premier ministre burundais a précisé qu'il faut trouver solution au nœud du conflit à travers un dialogue politique, de rapatrier les groupes armés non invités en République démocratique du Congo. Et à long terme, ce sommet SADC-EAC a tablé sur l'élaboration d'une feuille de route sur le plan financier, politique et sécuritaire et de le présenter pour approbation dans un mois. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rendons-nous en province de Bouanza et parlons élevage. Les habitants de cette province qui élèvent les lapins disent que ce genre d'élevage était difficile au départ et que beaucoup de lapins sont morts suite au manque de connaissances, notamment sur l'alimentation. Ils reconnaissent cependant une amélioration actuellement suite aux échanges d'expériences avec d'autres éleveurs. Le vétérinaire communal de Gihanga explique de son côté que la situation s'est améliorée suite au renforcement de capacités. Le point avec Space Caritas Kabanyana. Un éleveur de lapins rencontré à Gihanga a fait savoir qu'il avait 12 lapins qui sont tous morts suite aux maladies puisqu'ils ne savaient pas comment les nourrir et comment construire leur habitation. Cet éleveur est l'un parmi beaucoup d'autres qui disent qu'au départ, l'année passée, quand il commençait ce genre d'élevage, c'était un travail difficile qui s'est soldé par des échecs car beaucoup de lapins sont morts comme ils le disent. Ils reconnaissent cependant qu'actuellement, les jeunes s'observent parce qu'ils ont fait échange d'expérience chez les anciens éleveurs de lapins et ils demandent un renforcement de capacité afin d'acquérir d'autres connaissances sur l'élevage de lapins. Édouard Nsabimana, vétérinaire communal de Gihanga, explique lui aussi qu'au départ, les éleveurs ont enregistré beaucoup de pertes de lapins qui sont morts suite au manque de connaissances sur l'habitat et sur l'alimentation. Il y fait savoir cependant qu'actuellement s'observe une amélioration après des formations envers les éleveurs et qu'aujourd'hui, certains éleveurs ont un nombre élevé de lapins jusqu'à 3000 dans une seule étable. Et la commune Gihanga compte plus de 80 000 lapins actuellement, comme il le dit. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Poursuivons cette édition. Le gouvernement du Burundi est appelé à mobiliser des fonds et des infrastructures adéquats dans le domaine des communications parce qu'ils constituent la base de l'environnement des affaires. Propos du directeur national de l'organisation PARSEM, parole et action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités. Alors que le monde célèbre le 7 février la journée mondiale pour un Internet plus sûr, Faustin Dikoumana trouve de plus qu'il faut un suivi régulier des fonds alloués à ce secteur des technologies de l'information. Suivez. D'abord, les nouvelles TIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent une base de la révolution économique actuellement. Pour révolutionner l'économie, pour le décollage économique, il faut vraiment avoir développé les TIC. Parce que ça aide au niveau d'abord de la communication entre personnes, l'accès à l'information, la formation, l'éducation, l'efficacité des services, que ce soit au niveau de l'éducation, santé, administration, sécurité, environnement des affaires sûres, les services économiques, bancaires, tout cela en dépend. Donc, je crois que quelque part, il faut que ce secteur soit priorisé. Si on analyse la situation au Burundi, on voit que nous sommes en arrière presque dans la sous-région. Nous avons un déficit de connexion qui est évident. Il faut des mobilisations de fonds pour construire ces infrastructures adéquates pour renforcer notre débit Internet. Le gouvernement a un programme de digitalisation, de services, mais ce programme ne peut pas aboutir sans infrastructures de base. Donc, la stratégie de développement des TIC qui a été élaborée devait être évaluée régulièrement et mise en application parce que les TIC constituent la base de l'environnement des affaires. Si nous voulons mobiliser des investissements privés, il faut avoir au moins développé ce secteur. Comme je l'ai dit, il faut que l'État mobilise des fonds, il faut même si ça serait dans le cadre du partenariat public et privé, pour que l'État fasse d'abord ce qu'il doit faire pour que la situation puisse changer. Sinon, prétendre révolutionner notre économie, développer des services sans vraiment les infrastructures de base de développement d'éthique, il nous sera difficile d'aboutir. Et parce que le constat est que même quand on analyse la révision budgétaire, il y a tendance à réduire les dépenses liées à l'investissement, tendance à renforcer le fonctionnement. Or, si on continue comme ça, sans une gestion rationnelle des dépenses publiques, il y aura un problème. On va continuer dans le fonctionnement alors que des investissements très nécessaires, des infrastructures fondamentales ne seront pas construites pour soutenir le développement économique digne de son nom. Faustin Ndikoumana, directeur national de l'organisation PARSEM. Parlons sport pour boucler cette édition. 125 athlètes, dont 41 filles, ont répondu présents ce dimanche dans le championnat national de cross-country édition 2025 dans le parcours de 5 à 10 km selon la catégorie d'âge. Sylvère Senghiumva, directeur technique national de la Fédération burundaise d'athlétisme, fait savoir que les premiers athlètes vont représenter le Burundi dans les compétitions internationales d'athlétisme qui se dérouleront aux États-Unis d'Amérique dans le mois de septembre cette année. Suivez. C'est une compétition de cross-country 500 km et 10 km, dames et hommes, et dont nous avons 125 athlètes qui ont répondu au rendez-vous. Il y a 41 filles, dont 21 cadettes et 20 juniors et seniors. Il y a 39 cadets et 45 juniors et seniors. Alors, c'est une compétition de routine que nous organisons chaque février de chaque année, juste pour clôturer la première phase de compétition qui a débuté avec octobre et novembre, c'est les longues distances dans tout le pays, de l'association à la région, et maintenant c'est le tour de la finale au niveau national. Alors, c'est-à-dire que nous allons construire une équipe nationale sur le cross-country, et puis selon la préparation, selon les entraînements que les athlètes vont effectuer, probablement qu'ils peuvent aussi répondre aux compétitions sous-régionales et au niveau continental et au niveau mondial, et pourquoi pas dans le championnat mondial de septembre sur la route qui va se dérouler aux États-Unis, et on espère qu'on va aligner de bonnes équipes. Nous lançons un appel aux parties prenantes, surtout au ministère ayant le sport dans ses attributions, le Comité national olympique et nos partenaires, de continuer à soutenir l'athlétisme parce que c'est un sport qui a honoré le pays dans les Jeux olympiques, dans les championnats du monde, dans les championnats d'Afrique. Donc c'est pour cela qu'il serait vraiment génial de soutenir les athlètes au niveau matériel et au niveau financier pour qu'on puisse quand même avoir de bonnes équipes qui peuvent toujours représenter le pays d'une façon digne. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le jus appelé nutrition médicale est fabriqué à partir d'un mélange de différents fruits. Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste, explique que grâce aux multiples vitamines et sels minéraux, ce jus prévient l'organisme de plusieurs maladies comme la maladie des os. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Le jus appelé nutrition médicale est un jus fabriqué à partir d'un mélange de plusieurs fruits qui aide l'organisme à se prévenir de différentes maladies. Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste, il nous parle de sa composition. C'est un jus mixte composé par beaucoup de fruits comme la pomme, comme corsol, comme les fraises, les raisins, la pastèque et aussi l'ananas. C'est un jus très délicieux qui corrige beaucoup de problèmes. Beaucoup d'éléments, beaucoup de vitamines et beaucoup de minéraux qui se trouvent dans ce jus, beaucoup de fibres végétales alimentaires, beaucoup d'éléments non nutritifs qu'on appelle les éléments phytochimiques qui se trouvent dans le jus, nutrition médicale qui va quand même nous aider à nous traiter contre beaucoup de maladies, à nous protéger contre beaucoup des effets néfastes des médicaments que nous avons avalés. Ce chercheur nutritionniste dit que ce jus est important pour les femmes enceintes car il aide les mamans en couche à ne pas mettre au monde des enfants qui ont des problèmes. C'est un bon produit pour la femme enceinte, grâce aux vitamines du groupe B, c'est-à-dire BNF, qu'il contient en abondance.